Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Et vous, vous en avez pensé quoi ? Retour sur expérience, en quelque sorte, en effet, au travers d'un projet participatif qui a été vécu sur scène les 29 septembre et 30 septembre dernier au Théâtre des Louvrets à Pontoise, à l'occasion du week-end d'ouverture de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. Le spectacle, l'expérience, le projet participatif qui est devenu réalité avait pour titre Atlas, occasion pour Feriel Bakoury de nous resituer ce projet en particulier, avant d'accueillir Diana Berger, qui a été l'une des 100 participantes. De quoi s'agissait-il, Feriel Bakoury ? Atlas, je crois que c'est vraiment le premier grand projet absolument réussi de la scène nationale. C'est-à-dire la réussite des Atlasiens, qui en font partie, et de l'équipe, parce que c'est difficile pour une équipe de mettre en place un projet pareil, avec 100 amateurs. Et en même temps, la composition des amateurs était extraordinaire. C'est ce que donnait à voir le spectacle. Donc c'est toute la richesse des projets participatifs qui met des habitants au cœur de l'histoire et qui vivent une expérience artistique et humaine, mais c'est aussi la réussite d'une équipe qui a réussi à le faire très très bien ici à Cergy Pontoise. Donc pour moi en tout cas, ça prouve que les projets participatifs ça a du sens, mais j'ai envie de vous laisser la parole parce que vous en parlerez mieux que moi. Alors oui, pour en parler, eh bien, l'une de ces habitantes qui a participé à ce projet, Diana Berger, peut-être revenir avant de nous livrer vos impressions de ce qui s'est passé sur scène et dans la relation tant avec les autres participants qu'avec le public, nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a, vous, décidé de participer à cette aventure plus que singulière, venant d'une institution, comme on l'a dit, à la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Le premier contact, comment vous avez été convaincu pour participer à cette aventure ? En fait, effectivement, j'ai eu plusieurs approches par rapport à des amis que j'avais rencontrés en arrivant sur Cergy. C'est vrai que pour moi, dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Donc, c'était pas un hasard si on était tombé là-dessus. Et effectivement, qui nous a permis de tous nous rencontrer. Et comme Feriel disait, de toute origine, de tous les milieux, de tout âge. Donc, c'est ce qui fait aussi la richesse et le projet qui, pour une première, a Cergy. Parce que c'est vrai que ça avait été fait au Portugal, au Québec. Enfin, ça commence à faire le tour du monde. Et donc, c'est une fierté aussi de pouvoir le faire ici, tout en sachant que ça a été un beau projet porté par la nouvelle scène. Avant donc de commencer et d'adhérer à ce projet, vous étiez spectatrice à la nouvelle scène nationale, vous aviez des habitudes dans ce lieu de culture ? Pas du tout, ça m'a permis effectivement de découvrir et d'aller au sens, parce que bon, c'est vrai que moi je suis sur Jules-Lemoutier, c'est pas non plus Cergy même, mais c'est vrai que ça permet de découvrir le Théâtre 95, les Louvrets, et c'est vrai que c'est que le début d'une longue série, j'ai envie de dire. Alors, rencontre effectivement avec d'autres habitants, parce que c'était le principe, c'était un peu le carton d'invitation, à partir d'un métier ou d'une activité, parce que certains étaient plus jeunes, donc n'avaient pas encore une activité professionnelle. Vous, quel est le métier qui vous a fait rentrer sur cette scène ? Alors moi, si vous voulez, c'est assez paradoxal, parce que moi j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie il y a peu de temps. Donc je suis venue à Cergy pour tout recommencer d'une certaine manière. Donc avant ça, j'étais dans la banque en Nouvelle-Calédonie, donc je suis venue directement là. Et c'est vrai que je suis plus à la recherche d'un emploi dorénavant, mais ce qu'on garde justement, comme on disait sur scène, c'est pas qu'un métier, c'est justement ce melting pot de personnes qui se rencontrent et qui finalement se découvrent. Et c'est ça qui fait la richesse de la chose au-delà du métier. Alors cependant, on a parlé d'une cartographie sensible sur la diversité du territoire. La diversité, c'était ses habitants au travers d'expériences professionnelles ou non, d'activités, on va dire de place dans la société ici sur ce territoire. Donc Jules-Lemoutier, vous êtes sur Cergy Pontoise cependant, mais il y avait d'autres qui venaient de territoires voisins, voire même je crois des Yvelines, qui est juste limitrophe à Cergy Pontoise. Alors juste nous raconter de manière très concrète comment s'est déroulée cette expérience. Il a fallu d'abord être disponible, autrement dit passer des temps de répétition de manière collective. Oui, tout à fait. Bon, ben, pendant une semaine, on a été scindés en deux groupes, donc pour se rencontrer, effectivement, mettre en place le spectacle. Le travail avec ceux qui ont conçu ce spectacle, avec les metteurs en scène, comment s'est passée la relation ? Parce que, je le rappelle, vous n'étiez pas artiste amateur avant de participer à cette aventure. Oui, non. Après, on est tous un peu artistes en soi, hein, quelque part. Vous étiez cependant tous amateurs, je oui, veux oui, dire, tout à fait. Par rapport au spectacle, même si certains avaient déjà quelques habitudes avec le théâtre ou d'autres, mais nombre d'entre eux n'avaient jamais eu l'occasion de se produire sur une scène. C'était le cas pour vous ? Pas pour moi, mais oui. Sinon, sur une grande scène comme ça, alors. Pour la plupart des personnes. Sur une scène comme le Théâtre des Louvrets, parce que c'est forcément impressionnant. Oui, c'est vrai que quand on n'est jamais monté sur scène, c'est toujours impressionnant. Alors, comment s'est passé? De quoi parle ce spectacle? Parce que vous l'avez vécu de l'intérieur, nombre d'habitants ont pu assister à ce spectacle, mais c'était pour deux représentations, juste pour ceux et celles qui n'ont pas pu vivre cette expérience. Le résultat, comment le traduire? Le résultat final, c'est de belles rencontres, un beau projet abouti, et c'est rejoint sur le monde professionnel, donc chacun doit mettre en avant ce qu'il a fait dans sa vie. Et tout le monde se joint à cette personne pour monter la voix. Donc, d'accord. Après, je l'explique sans doute pas avec les bons mots, mais... C'est vos mots qui importent. C'est dans cette aventure, là, au micro, sur l'antenne de la radio locale, c'est vos mots qui importent. C'est-à-dire comment vous nous faites partager vos impressions, comment vous avez vécu cette expérience. Maintenant, si vous avez un peu de recul, il est plus facile de se dire, est-ce qu'il y avait des difficultés particulières à surmonter? Est-ce que cela vous a révélé chez les uns et chez les autres, effectivement, des relations qui vont peut-être pouvoir durer au-delà de l'expérience? Oui, effectivement, des belles amitiés qui se sont faites par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est la mise en avant du projet en lui-même. Ça a duré une semaine. Donc finalement, il fallait que tout soit en norme en une semaine de temps. Et c'est vrai que c'est déjà un beau... Jour de la première représentation, vous vivez ce spectacle. Et là, c'est un partage avec le public. Le fait, je suppose, j'imagine bien qu'il y a eu des applaudissements. Comment vous avez vécu ces instances qui sont généralement pour les artistes, quel que soit leur statut, amateur ou pas, des instances précieuses, voire inoubliables? Oui, c'est toujours impressionnant un peu de monter sur scène, effectivement, et de voir un peu tous ces visages qui sont là devant nous. Donc, bon, un petit coup de stress, un peu comme tout le monde, j'imagine, avant de monter sur scène, mais en tout cas, une belle expérience dans la mesure où on n'est pas seul non plus, même s'il y en a toujours un qui commence, les autres le rejoignent. Et c'est vraiment cette image d'unité, au final, qu'ils veulent justement mettre en avant, en disant que c'est l'ensemble qui fait la beauté de... C'est le cœur du collectif. Là, il y a eu la première représentation, donc avec le stress, comme vous avez évoqué. Le lendemain, on remet ça, deuxième représentation, avec un autre public. Là, vous l'avez vécu plus simplement, plus facilement, presque déjà une habitude. Oui, ça a été naturel, mais c'est vrai que quand j'y stresse, c'est du bon stress, hein, dans le sens où bénéfique. Donc, après, une fois on l'a fait, ça se répète, c'est vrai que c'est... Dernière chose concernant cette expérience vécue, que dire pour ceux et celles qui, peut-être pour d'autres projets participatifs, hésiteraient à participer justement à des projets qui seraient proposés par la Nouvelle Scène Nationale? Qu'est-ce que vous pourriez leur faire passer par la voix des ondes, vu que vous avez vous-même vécu cette expérience? Effectivement, j'invite chacun à aller voir déjà au théâtre. Vous avez les saisons, tout ce qu'on présente par rapport au programme. Donc déjà une première approche et de découvrir, de voir par soi-même, effectivement, pour se faire sa propre idée. Et pourquoi pas rejoindre l'équipe par la suite pour d'autres projets qui, finalement, fait la richesse de l'endroit. Feriel, un mot sur ce qui vient d'être échangé avec Diana. Diana, le seul truc, c'est que c'était compliqué pour elle de parler du spectacle parce qu'elle ne l'a pas vu. Faut pas oublier. Et moi, je l'ai vu. Et ce que je voulais dire qui m'est venu quand vous parliez, parce que vous étiez un peu intimidé parce qu'on était là, c'est que nous, avec Jasmine et l'équipe, pour beaucoup, on a été éblouis par la performance artistique. Parce que c'est sûr que pour vous, c'est d'abord une expérience humaine. Mais on s'est dit, est-ce que ça va donner un spectacle? Et s'il tourne partout, c'est certainement parce que beaucoup de directeurs comme moi ont envie que ce spectacle fédère des populations qui ne viennent pas. Mais par ailleurs, il y avait la directrice du Black Box à Oslo qui était là, qui a décidé de le faire en Norvège. D'autres professionnels qui étaient là, qui l'ont apprécié d'un point de vue artistique. Donc la force de ces artistes, c'est de savoir, en une semaine, rencontrer des gens qu'ils ne se connaissaient pas et produire une forme. Et ce que j'osais essayer de vous faire dire, c'est que c'est vrai que c'est ultra rare avec des gens qui n'ont jamais eu de pratique artistique. Et donc le résultat artistique donne aussi à voir cette diversité. Vous voyez, c'est comme ça qu'on la voit. C'est parce que c'est intéressant ce qui se raconte que tout d'un coup, ce groupe, cette diversité, on la voit dans toute son hétérogénéité au sens positif du terme. C'est vrai que c'est dans des moments comme ça où des personnes qui se seraient jamais rencontrées autrement que voilà, par ce projet. Voilà, mais nous, de l'extérieur, on voit un spectacle qui est quand même vraiment intéressant à voir en tant que tel. Et je pense qu'il y aura ce témoignage de cette expérience par des images qui ont été, me semble-t-il, filmées à cette occasion. Il va même y avoir une projection Atlas, notamment pour les Atlassiens qui méritent bien, après tous ces efforts, de se voir. Merci.